Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans La Pochette, l'émission où on choisit un album et on vous le fait découvrir. Et cette semaine, je ne suis pas tout seul, j'ai enfin réussi à voir Bichente dans le studio. Salut Bichente. Salut Matine. Ça va? Ça va bien et toi? Eh ben ça va, je suis content d'enfin te recevoir. Ça fait deux fois, je crois, que tu devais venir et ouais. qu'on a dû repousser pour des raisons diverses et variées. Et tu es enfin venu nous présenter un album. Alors, exactement. Quel est cet album? Alors, c'est pas un album de La Poya, malheureusement. Malheureusement. Non. La Poya s'est calée en moins de 30 secondes. Pardon, je te félicite. C'est un nouveau record. Record battu, non? Je crois. 30 secondes? Ouais, peut-être. 30 secondes, c'est pas mal. Non, je viens de présenter un album de Zep. Zep. Donc, zone d'expression populaire. Voilà, en référence à la zone d'éducation prioritaire, je pense. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, qui est un groupe originaire de Roubaix. Donc qui a sévi dans les années 2009 à 2012, c'est ça. Et qui a sorti un album en 2011 et qui a le même nom que le groupe du coup, c'est Z, ouais, quoi. Ouais exactement, et qui a sorti aussi un petit EP de 5 chansons comme ça, il me semble. C'était l'année d'après, je crois, 2012. C'était très court quand même leur carrière de Zep. Ouais, on peut parler peut-être de MAP, qui était le groupe d'avant, c'était Ministère des Affaires Populaires. Oui. Qui a donné du coup je crois qu'officiellement ils sont pas séparés, mais ils ont juste voulu essayer d'autres choses. Ouais. Qui a donné Zep d'un côté et HK et les Saltimbanques de l'autre. Exactement. Ou HK et je sais pas trop quoi, je crois que ça change souvent. Oui. HK. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet album, Bichente? Ben parce que cet album, donc je l'ai connu, j'ai connu le groupe quand ils sont passés au festival EHSETA, donc Euskalerria Zuzenean. C'était à l'époque, c'était quoi, Mendiant? Avant Ailette, peut-être? C'était Ailette encore. C'était Ailette et j'avais trouvé vraiment hyper bien comme concert, parce que c'était un dimanche, et souvent les concerts du dimanche sont pas mal, il faut le dire. D'ailleurs, petit instant promo pour EHSETA, il me semble que jusqu'au 12 mars ou comme ça, peut-être au 15 mars, il y a des places à 40€, il y a déjà quelques noms et ça semble assez prometteur pour cette année. Ouais. Et donc du coup j'avais beaucoup aimé et j'avais acheté l'album et je l'ai saigné pas mal parce que c'est les années où on écoute le plus la musique, enfin le plus de musique, où on découvre vraiment plein de choses et donc voilà. Et puis en plus j'avais eu la chance de les connaître personnellement parce qu'ils étaient venus au Gasteche à Cambo, ils avaient dormi à la maison, donc on avait pu échanger avec eux. Donc voilà, c'était un bon souvenir et un album que là je recommence à écouter beaucoup, donc du coup c'est pour ça que j'ai pensé à celui-là. Je crois qu'on on va s'arrêter là. Le chanteur Seydou, donc qui après a fait un voyage en Amérique du Sud. D'accord. Et qui maintenant a un nouveau groupe qui s'appelle Sidi Wacho. D'accord. Voilà, donc c'est plus du coup il est resté sur la musique d'Amérique latine un peu, mais assez contestataire encore. Il fait pas mal de tournées dans tout le milieu de gauche et d'extrême gauche, on va dire. Ouais. Plutôt, ouais. Dans toute la France, bon, il y a beaucoup dans le nord, mais dans toute la France. Donc voilà, je le suis sur Facebook, donc c'est comme ça que je suis un peu au courant. Sur Facebook, ça existe encore Facebook? Les gens sont encore sur Facebook. Putain, je suis un boomer, tu penses? On est un peu des boomers, moi aussi, je suis un peu sur Facebook, je dois bien avouer. Et Radio Loculture est sur Facebook aussi, d'ailleurs. Toutes les émissions sont réécoutables sur notre site, radioloculture.wordpress.com. Voilà, vous pouvez y accéder facilement avec Radio Loculture sur Facebook, d'ailleurs. Merci Bichente. Et bien, merci à toi. Et il me semble, si mes calculs sont bons, que... Non, c'était la semaine dernière, le dernier épisode de l'Eurovision. Il faut que je l'écoute, je ne l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté encore. Je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas sorti, évidemment. Et surtout que je m'étais barré avant la fin et du coup, je n'ai pas la réponse à ma question. Tout à fait. Vous avez répondu à ma question, donc il faut que je l'écoute. Est-ce que tu te souviens ce que c'était cette question? La question, c'était... il me semble que c'était par rapport au... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'était par rapport à l'art. Est-ce qu'on peut... Non. Je ne me souviens plus non plus. Je me souviens. Ça fait un moment pour nous. C'est bonne la question, pourtant, je me souviens. Ça fait un petit mois pour nous, je crois. Mais... Et au moment où sortira cette émission, le troisième épisode de l'Eurovision sera sorti depuis une semaine, donc tu auras ta réponse à ce moment-là. Ouais. Mais cette question, je ne sais plus. Je m'étais trouvé hyper pertinent. Je m'étais dit, t'es bon et tout. Il peut partir comme ça, comme un prince. Et je ne me souviens plus, donc pas si bon que ça peut-être. Eh bien, tu écouteras pour toi la semaine prochaine et pour vous, chers auditeurs, la semaine dernière, cette troisième émission de l'Eurovision qui était, ma foi, fort sympathique. Et voilà, vous pouvez écouter toutes les émissions, comme je l'ai dit, sur radionoculture.wordpress.com. Bichente, Mieshker? Mieshker Souli. Et on se revoit bientôt. Mais oui, ça marche. Pour de nouvelles aventures. Exactement. Dans la boîte à gants. Salut. Salut. racistes, y en a marre. Racistes d'État, y en a marre. Les lois racistes, y en a marre. Les lois fascistes, y en a marre. Pouvoir raciste, y en a marre. Pouvoir fasciste, y en a marre. De Sarkozy, y en a marre. Dehors ton feu, y en a marre. D'Ali Omarie, y en a marre. Bernard Kouchner, y en a marre. De la droite, y en a marre. Y en a marre. Y en a marre. Y en a marre. Y en a marre. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Là ça fait bezef, les crachats, les molars. Se faire insulter, dirigé par les gros lards. Ils ont le pouvoir, y'a trop à péter un boulard. Tiens-moi le crachoir, que je leur salisse un peu le costard. Le bezef, la facture pour les smicards. Les conditions de vie pour les vieillards et les tolards. Les trimards, les foulards, les balochards et les trous noirs. Ça va la République, ils nous ont eu les salopards. Le bezef, leur salaire ostentatoire, leurs privilèges et leurs profits de charognard. Le bezef, démocratie c'est du bobard. L'espace leur appartient, l'isoloir est illusoire. Le bezef, je peux pas chémar dans le canular. Tous les 5 piges, ils nous refont le même traquenard. Chez nain, comment t'as fait pour croire à leurs histoires? Mais là, y'est temps de mobiliser pour faire sauter quelques mâchoires. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Bezef alena, gaalna l'grina, gaalna l'sem. Ala hizb فرنسا كنا ورانا ينتبعوا في جهلنا يقولوا علينا باللي رانا راسا. Toi petit chef, on marche plus dans la combine. Parole de prolétaire, ça va chauffer pour ta trombine. On a sorti la guillotine pour toi et ta copine. Du bourgeois au petit-déj, on s'enlèche les babines. Torture dans la bassine, vendetta moudjahidine. Vengeance pour les nôtres, que t'as flic et assassine. Tu vas morfler comme les pauvres, on s'esquinte dans tes usines. Comme nos parents, c'est qu'ils nous ont tout laissé au fond de la mine. Le bezef, toute la rage qui nous anime. Souffrance et douleur qui nous surine et nous abîme. Irascible, quand ta clique nous piétine. Fais gaffe à toi petit chef et crois pas qu'on te baratine. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Présent quand la masse est en marche silencieuse. Quand elle hurle en cachette, moribonde et pleurnicheuse. Quand elle chuchote la colère comme un tabou, comme un secret. Quand elle abdique cadavérique, quand la révolte est prohibée. L'autocensure alien comme la pierre des prisons. Les murs invisibles sont plus solides que le béton. Ils enchaînent, ils enferment dans le silence, ils emprisonnent. Et graves sont les conséquences, les proles se le pénisent. Les forces se divisent, le contrôle social isole et paralyse. On segmente, compartimente, on priorise. Les luttes s'autonomisent et plus personne pour les valises. Le bezef, nos rêves, nos utopies, nos idéaux, nos espérances, nos projets de vie. Sabotés par une réalité impitoyable, bousillés par l'urgence arbitraire et insatiable. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Hey basta, parce que là ça fait bezef. Pour nous c'est la disette et dans leur poche tous les bénéfices. Hey basta, parce que là ça fait bezef. La révolte a sonné, fais gaffe à toi petit chef. Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous êtes sur Internet. On a choisi une seule chanson parce que cet album est facilement trouvable sur les internets, sur YouTube notamment. Il me semble qu'il est en entier. Voilà, moi j'ai rien de plus à dire aujourd'hui. Je vous dis merci encore de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.